Voici donc une astuce bien utile qui va vous permettre d'inventer, to invent, de nombreux verbes en anglais. Il vous suffit de prendre un verbe en ER, comme par exemple accepter, que nous avons déjà vu dans la phrase « it was accepted », enlever sa terminaison ER, ou dans certains cas le seul R final, et voilà, le tour est joué, vous obtenez le verbe anglais, qui est donc to accept. To accept, of course. On ne peut vraiment pas souhaiter plus simple, n'est-ce pas? Alors, vous savez peut-être que je voudrais se traduit I would like, et que le verbe dîner se dit to have dinner. Alors, comment direz-vous je voudrais vous inviter à dîner demain soir, sachant que demain soir se dit tomorrow evening. I would like to invite you to have dinner tomorrow evening. D'accord. I would like to invite, I-N-V-I-T-E, to invite you to have dinner, dinner qui s'écrit avec deux N, tomorrow, T-O-M-O-2-R-O-W, evening, E-V-E-N-I-N-G. Donc, tomorrow evening, c'est demain soir. Et on peut aussi dire tomorrow night, puisque night veut à la fois dire soir et nuit. Alors encore une fois, comment dira-t-on accepter en anglais? To accept. To accept. Le contraire de accepter, c'est refuser. Alors comment direz-vous ça en anglais? To refuse. To refuse. R-E-F-U-S-E. Et donc sachant que croire se dit to believe, il refuse de me croire se dira littéralement, il refuse de croire moi. He refuses to believe me. He refuses to believe me. Et comment dira-t-on confirmer en anglais? To confirm. To confirm. C-O-N-F-I-R-M. Donc avec I-R qui se prononce E. To confirm. Et arriver se dira to arrive. To arrive. A-2-R-I-V-E. Alors imaginons, let's imagine, que vous êtes en voyage d'affaires. Sachant que demain matin se dit tomorrow morning, M-O-R-N-I-N-G, comment direz-vous je confirme que j'arriverai demain matin à 10 heures? I confirm that I will arrive tomorrow morning at 10 o'clock. I confirm that I will arrive tomorrow morning at 10 o'clock. Et si vous voulez également visiter l'usine, qui en anglais se dit factory, F-A-C-T-O-R-Y, factory, un mot dérivé du français manufacture, alors, je voudrais visiter l'usine. I would like to visit the factory. I would like to visit the factory. Right. Et vous ajoutez, je propose de signer le contrat immédiatement. Le mot pour dire contrat ressemble beaucoup au français, c'est contract. Donc avec un petit C en plus. Contract. Pensez au mot contracté. Et suivant la transformation que nous avons vue dans la première partie, comment direz-vous immédiatement? Immediately. Immediately, oui. Alors, nous allons aussi avoir besoin de la traduction du verbe signer, qui, suivant la transformation qui nous occupe en ce moment, s'écrira donc S-I-G-N, puisqu'il suffit de supprimer le ER du verbe français pour obtenir le verbe anglais correspondant. Mais attention, S-I-G-N se prononce sign, to sign. Donc, dans ce cas, I-G se prononce I. Alors encore une fois, je propose de signer le contrat immédiatement avec « de » qui se traduit donc « to » et non « of » devant un verbe. I propose to sign the contract immediately. I propose, P-R-O-P-O-S-E, to sign, S-I-G-N, the contract immediately. Et au lieu de « immediately », vous aviez peut-être appris avec Michel Thomas les expressions « right away » ou « straight away », c'est-à-dire « tout de suite ». Bon, alors je crois que vous êtes maintenant prêt, en partant de cette simple transformation, à créer vous-même quantité d'autres verbes. En voilà encore un. Comment dit-on accusé en anglais? To accuse. To accuse. A-C-U-S-E. Oui. Alors notez bien la prononciation du U. To accuse. Et payer? To pay. To pay. Et comment direz-vous « je l'admirais beaucoup » ? Vous connaissez déjà « beaucoup de » qui se dit « a lot of ». Eh bien, « beaucoup » tout court se dit « a lot ». Alors, « je l'admirais beaucoup », vous parlez d'une femme. I admired her a lot. I admired her a lot. Du verbe « to admire ». Et notez bien le son « I » du « i ». Oui. A-D-M-I-R-E. Bien, alors j'espère que ces dernières transformations vont vous inspirer, will inspire you, pour créer, to create, par vous-même, d'innombrables mots anglais.